Bah, moi j'aimais bien Report parce que voilà tous les VST ils étaient faciles à poser dessus. Là j'ai rien compris. Et en plus comme je suis sur Mac, depuis que j'ai fait la mise à jour, et ben ah, même le micro là avec Reaper j'arrivais à installer des comment dire des vocodeurs etc. Que là je suis avec ma voix brute, c'est horrible, je chante même plus quoi. Jam. Y a un forum sur. Je te mets le lien. Ben, on se connaît quasiment tous, ouais, enfin, surtout les anciens. Salut Mendex! Allô, ça va? Alors, attends, est-ce qu'il est français? Pas français. Bendex. Oh, je vois pas encore. Ah, français. Non, je suis Ok. portugais. Ah! Boa On va tardes. bien au Portugal. Boa tarde. On parle français parce que tout le monde est français ici, except pour moi. Confinamento. Oui, sont tout fermés ici. On sort seulement pour faire Pas ben, sinon c'est racheter anglais. des choses pour manger et ça. C'est la même chose là-bas. Ouais. Si. Oui, je suis à Portugal et je suis portugais, oui. Oui, tu es où? Je suis près de Lisbonne, près de la Oui, mais dans plage. quelle ville? J'habite près de la plage. Ah, ici. Ici, c'est Fontatala. Le nom, c'est Fontatala. Tu Non, connais? trop bien. Non? Tu connais ça? C'est très bien, c'est un jour Non, très moi très beau. j'étais à Et Porto. malheureusement. Ah, Porto. Porto, c'est au nord du pays. Ici, c'est au sud. C'est près de Lisbonne, mais il y a quelques kilomètres, 20 km de Lisbonne, avec la plage et tout ça. Mais non, je dis une bêtise, Allô, j'étais ça va, pas à Alex? Porto, j'étais à... Bom. Nous sommes Bom très dia, petits. Alex. Portugal, c'est très petit. Ah, bien, J'ai Dux. construit les bowling bolera de l'île. Oh, yeah, oui, c'est bien. Il y a beaucoup de Français ici, hein, aussi. C'est lui de Visio. Ah oui, c'est bien. Eh oui, on a tous décidé Ah, allô, d'aller ça va? prendre notre retraite au Portugal. Mais on pense ça, que c'est possible. Hein. On vient, passe à culture et après, tout le monde pense on reste à Portugal parce que il y a des bonnes conditions, il y a pas de problème, des gros problèmes, il y a des problèmes, mais pas des gros problèmes de sécurité. Les retraités, ils ramènent de l'argent. Ah, il y a quelqu'un d'Austria aussi. Autriche. Et je suis bête, moi, c'est à Lisbonne que je suis allée, c'est pas à Porto. Je dis n'importe quoi. Oui, à Lisbonne. Oui. Lisbonne, c'est la capitale du pays. Mais on parle Tu aimes avec décalage. la capitale? Ah oui, on parle avec décalage, oui. Ah, mais moi j'ai adoré. Je suis allée à la pêche. Je suis allée à la pêche Ah oui? aux sardines. C'était excellent. Ah oui! Et la sardine, c'est mieux. Quand on était sur la plage, il y avait C'est des très bonne. bateaux C'est qui allaient un pêcher au plat filet. que. Et ils emmenaient Oui. les... Ah Eh ouais. oui? Oui. C'est près. En fait, Alex, pour avoir pas Ici, trop de où décalage, tu mets j'habite, le BPI au il y plus a des petit pêcheurs. et le BPM au plus vite. Oui. Qu'est-ce que le BPI maintenant? Là, il est à 8, donc ça va très vite. On peut pas le mettre à 1. Non, je pense que non. Mais ce report a une option chat justement pour que ça aille plus vite aussi. Allez, vamos à la playa. On va jouer. Oui, allez. Je chante un peu. Christophe Maé, non mais ça va pas. Il joue toujours en ré, lui. Moi, je chante pas parce que j'ai pas de VST et ma voix, elle est horrible là. Tout le monde peut chanter, allez. La chante mi cantare. Quelque chose. On va improviser. C'est la meilleure chose qu'on peut faire ici. Non, non, ma voix, elle est horrible. En plus, François, François. Bon, juste un petit calcul pour voir le délai. Alors, le délai était là. Sharona, my corona, ta ta ta ta ta ta ta, my corona. Désolé. Is everybody alive? My corona. Ma corona, tu m'as eu mais je t'ai tué. Ah oui, c'est 8 h. Désolé, faut que j'aille applaudir. Je reviens. Allez, Dux, si tu veux. Fils. Improvisation. Allez, allez, allez. Quelque chose. On va faire une chanson pour tout le monde qui maintenant fait cette bataille invisible. Mais 30, oui. Thank you. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for your love. Obrigado per l'amore, obrigado per l'amore. Obrigado per l'amore, obrigado per l'amore, obrigado. Thank you for your love. Thank you for your love. For your love. Grazie per l'amore. Thank you for your love. Grazie per l'amore. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour. Vamos a la playa. Yeah.

grazie per l'amore, grazie per l'amore, grazie per l'amore. Grazie per l'amore, grazie per l'amore, thank you for your love, grazie per l'amore, thank you for your love. Tous concernés, alors il faut rester love. Thank you for your love. En ces jours bénis, nous sommes tous concernés, alors il faut rester les coudes soudés.